J'ai le mal de vivre et puis mes envies dévient de la réalité, loin de mon niveau de vie. Rarement ravi, trop de déviance dans le devis. Pourtant je ravive la flamme, rêvant d'avoir de vie. Et de vie bois, je t'affirme que j'ai trouvé ma voix. Ma foi, m'envoie sur scène car je n'ai que ma voix. Ma mère m'en veut et pense qu'au fond je suis mauvais. Mes veines sont ses paroles car la rage est dans mes veines. Mes vers, vide d'espoir, bien loin de l'hymne à la joie. Revers de chaque fois, heureusement que mes proches ont la foi. C'est le bordel dans cette vie, y'a trop de trucs à trier. Le pied à l'étrier car mes pensées j'ai besoin de quadrillé, vie hardcore, pire encore, j'éprouve les pires rancœurs. Car elle me laisse à court, chaque jour est sans recours. Je sème des mots en guise d'armes, j'ai le somme. En somme, je somme devenir cette joie qui me sème. Je voudrais bien savoir pourquoi je vis tant d'histoire. Ma vie une piste noire, j'ai pas ce qu'il y a, plus d'espoir. J'aspire à m'en sortir mais chaque jour ça s'empire. 8 piges que je rappe dans le vent sans pain de mon empire. L'avenir est sombre comme cette ville, un panier percé, incertain. J'aurais plus de chance en jouant en tir. C'est conflit, violence, guerre, gonfle, c'est versé. Je me tourne vers ceux qui ne croient plus que ça peut s'inverser. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là. C'est dur de te dire de quoi sera fait demain. Comme de tenir son avenir entre ses deux mains. Que dire à part que la vie n'est que défense et rempart. Des tas d'or à ramper, on souffle et ça repart. Je suis à bout de souffle car la vie est un marathon. Toujours un train de retard même quand je démarre à temps. Je n'entends pas ses amis qui essaient de m'écarter. De cette mélancolie qui ne cesse de m'escorter. Je sais petit frère que c'est dur d'entrevoir l'avenir. Les événements font qu'on lutte souvent vainement. C'est le message pessimiste d'un cœur réaliste. Est-ce que tu réalises que la douleur se banalise? Peste, soit de ce monde où les parents se morfondent. Au fond, faudra que tu fondes une famille, mes yeux fondent en larmes. Comme quand ma fille est née, ma joie profonde. Mais même dans ces moments, les sentiments se confondent. Car y'a de la douleur dans le bonheur et vice versa. Je vise verser, sachant qu'un cœur de gosse peut se percer. J'ai beau crier, écrire en changeant d'en crier. Je suis toujours le même, j'attends que ma vie se mette à briller. Je crois que ma pire rancœur, c'est de ne pouvoir ouvrir mon cœur à ceux qui m'aiment. Me le montre et me le chante en cœur. Comment croire en la vie quand je ne crois pas en moi? Malgré tout ça, la force de me battre, je la puise en moi. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là. Désolé, y'a plus d'espoir à déceler. Si je dis cela, c'est pour s'évader, c'est l'heure. D'ici la tête, mon scud sera un best-seller. Laissez les bras s'aimanter dans ces quartiers de sous-là.